personnel et dédicacé à tous les gens qui aiment d'autres gens, et que d'autres gens aiment d'autres gens, et que les autres gens c'est pas eux. Nous irons voyager en Italie pour chanter avec Umberto Tozzi. Nous irons voyager au Mexique et jouer au golf avec des flics. Mais on va pas aller pleurer, Lady Di. Oh oui. Oh, tu ne vois pas la vie que tu mènes. Ouais, que tu mènes. Qui me tenait vraiment à cœur, parce que je pense qu'il y a des couples qui pleurent et que des fois c'est mieux d'exprimer son chagrin plutôt que de pleurer tout seul. Merci pour eux.